الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحمد لله كم له علينا من نعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله. فهذا أيها الإخوة الكرام مجلس آخر للتذكير بما علينا من حقوق كلام ربنا سبحانه وتعالى، وأن نتأمل قول الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فسمى الله سبحانه وتعالى هذا القرآن الكريم روحا، لأن به حياة القلوب. فكما أن الأجساد لا تحيا إلا بالأرواح، فكذلك القلوب لا تحيا إلا بالوحي. لونجا الله سبحانه وتعالى بكمبيان دو بيانفين نكمبل. إذن la traduction approximative du sens du verset cité ici: si vous allez pour comptabiliser les bienfaits d'Allah سبحانه وتعالى, vous ne pourrez pas le faire. Dans l'autre traduction, dans le sens de l'autre verset: tout bienfait dans lequel vous êtes, c'est il vous vient min Allah Azza wa Jal. Et ça, après on Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une autre assise pour se rappeler certains droits du Coran, qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme il dit, comment Allah subhanahu wa ta'ala a nommé ce Coran et quelle description lui a donné. Il est dit dans la traduction approximative du sens du verset: nous t'avons révélé une âme de notre ordre. Il a appelé le Coran une âme, parce que les cœurs ne peuvent vivre qu'avec la révélation. D'où les hommes de science ont dit, c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala a appelé le Coran une âme. Comme les corps ne peuvent vivre qu'avec une âme, et il en est de même pour les cœurs, ils ne peuvent vivre qu'avec la révélation. ومر معنا في الجلسة الأخيرة ما يناله العبد من رفعة بتجارته مع الله بالقرآن الكريم، ونتأمل ما له في الآخرة عند الله إذا تدبر القرآن وعمل بالقرآن. ففي الآخرة قال صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. والقرآن يشفع لصاحبه يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، رواه مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد، يقول الصيام: رب إني منعته الطعام والشراب بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن: رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه، فيشفعان. والحديث في صحيح الترغيب والترهيب. ويحلى صاحب القرآن الذي يعمل بالقرآن بتاج الكرامة يوم القيامة، ويرضى الله سبحانه وتعالى عنه. قال صلى الله عليه وسلم: يجيء القرآن يوم القيامة فيقول: يا ربي حله، فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول: يا ربي زده، فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول: يا ربي ارضى عنه، فيرضى عنه، فيقول له: اقرأ وارقى، وتزاد بكل آية حسنة. والحديث حسن هو عند الترمذي وهو في صحيح الجامع. فتأمل يا حامل كتاب الله، ويا من تعمل بكتاب الله وبما يوجهك الله سبحانه وتعالى في هذا القرآن، ما ينتظرك يوم لقاء الله عز وجل، فمن أفضل منك؟ ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر عندما طلب منه أن يوصيه، قال: عليك بتقوى الله فإنها رأس الأمر كله. قلت: يا رسول الله زدني. قال: عليك بتلاوة القرآن فإنه نور لك في الأرض ودخل لك في السماء. والحديث في صحيح الترغيب والترهيب. من الله سبحانه وتعالى lors de la dernière assise, nous avons vu ce que mérite le soumis à Allah subhanahu wa ta'ala comme élévation dans ce bas monde quand il commerce avec le Coran, avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme il dit maintenant, les mérites et la place qu'il a auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le delà. Dans le delà, le messager d'Allah a dit, et le hadith il est sahih, il est dans Sahih al-Jami' chez Tirmidhi et chez d'autres, il sera dit à celui qui a le Coran, qui le récite, qui le met en application, récite, il monte en degré. Et Psalmon dit le Coran, comme tu le fais dans ce bas monde, ta place sera au niveau du dernier verset que tu auras récité. Le Coran, le jour de la résurrection, il vient comme intercesseur pour celui qui le récite et qui le met en application. Dans le hadith rapporté par l'imam Muslim, le messager d'Allah a dit, réciter le Coran, et tilawat le Coran veut dire suivre le Coran, le mettre en application. Réciter le Coran, car le jour de la résurrection, il viendra intercéder en faveur de ces récitateurs qui le mettent en application. Et dans le hadith rapporté dans Sahih Targhib wa Tarhib par l'imam Ahmad, qui c'est un hadith authentique, le messager d'Allah a dit, le jeûne et le Coran intercéderont pour le soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Le jeûne dira, ô Seigneur, je l'ai privé de la nourriture et de la boisson durant la journée, accepte mon intercession pour lui. Le Coran dira, ô Seigneur, je l'ai privé du sommeil la nuit, accepte mon intercession pour lui. Et leur intercession est acceptée. Et celui qui récite le Coran et suit le Coran sera embelli par la couronne de l'honneur le jour de la résurrection. Et Allah subhanahu wa ta'ala sera satisfait de lui. Dans le hadith Hassan rapporté par Tirmidhi et d'autres, et il est aussi dans Sahih al-Jami', le messager d'Allah a dit, le Coran vient le jour de la résurrection et dit, ô Seigneur, embellis-le, et lui sera mis la couronne de l'honneur à celui qui récite le Coran et qui le met en application. Et puis il dit, ô Allah, rajoute-lui, il sera habillé par les vêtements de l'honneur. Et puis le Coran dit, ô Allah, agrée-le et sois satisfait de lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait de lui, Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée. Et lui sera dit, récite, ta demeure sera fixée en fonction du dernier verset que tu réciteras. Ça, ce sont les choses que Allah subhanahu wa ta'ala a promis par le biais du messager alayhi salam à ceux qui donnent l'importance au Coran, qui le méditent, qui le mettent en application. On Allah subhanahu wa ta'ala, toi que Allah subhanahu wa ta'ala a comblé par la mémorisation du Coran et par sa compréhension, par sa mise en pratique, médite ce qui t'attend le jour de la résurrection. Et le jour où tu vas rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, qui peut être mieux que toi? C'est pour ça que le messager d'Allah, quand Abu Dharr radiyallahu anhu arda, lui a demandé un conseil, il lui a dit, préserve les droits d'Allah, car c'est le summum de la situation. Abu Dharr a dit, j'ai dit, ô messager d'Allah, rajoute-moi. Et il a dit, suis et récite le Coran, car c'est une lumière pour toi sur terre et une réserve pour toi au ciel. Et le hadith, il est sahih, il est dans Sahih Targhib, ou Targhib, l'imam al-Albani, rahmatullahi alayhi. Il est une lumière pour toi. Celui qui s'éclaire avec le Coran ne sera pas dans les ténèbres. Abadan. Et c'est quelque chose, c'est un trésor qui lui est réservé dans le delà. كذلك من أرباح التجارة بالقرآن مع الله أنك تصبح من أهل الله وخاصته. قال صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته. وهذا شرف عظيم. والحديث صحيح عند ابن ماجة والحاكم وغيرهم. ومن أرباح التجارة بالقرآن مع الله أنك تصبح من خير الناس. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. والحديث عند البخاري. تأمل هذه الخيرية: يا من تعلمت القرآن وتعلمه وتعمل به، فأنت خير الناس عند الله. ولو كنت أفقر الناس في هذه الدنيا فأنت خيرهم، تحمل كلام الله في قلبك وتعمل به وتعلمه، من خير منك؟ أنت من أسباب صلاح الأمة وإصلاحها بتعليمها وإرشادها إلى مراضي ربها. فاحمد الله عز وجل وامتثل أوامره واتق الله عز وجل، وكن أهلا لهذه النعمة التي أكرمك الله سبحانه وتعالى بها. فإن الله سبحانه وتعالى يبغمي لبني في القرآن avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que la personne sera du nombre des particuliers d'Allah. Dans le hadith authentique rapporté par Ibn Majah, par Al-Hakim et d'autres, le messager d'Allah a dit: Allah a des particuliers parmi les humains. Ils ont dit: qui sont-ils, ô messager d'Allah? Il a dit: les gens du Coran, ce sont les particuliers d'Allah. C'est-à-dire ceux qui méditent ce Coran, qui le mettent en application, ce sont les particuliers d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regarde cet honneur. Hein? Et parmi les bénéfices du Coran, c'est que la personne fait partie du nombre des meilleurs qui foulent la terre. Comme cela est rapporté chez l'imam Bukhari, rahimahullah ta'ala, où le messager a dit: le meilleur d'entre vous, c'est celui qui apprend le Coran et l'enseigne. Cela implique qu'il apprend le Coran, il le comprend, il le met en application. Et il l'enseigne à la communauté. Médite, frère en Allah, subhanahu wa ta'ala. Si tu veux être du nombre des meilleurs, il est tout simplement dans le fait d'apprendre ce Coran, de le comprendre, de le mettre en application et de l'enseigner. Et là, tu fais partie des meilleurs humains chez Allah, subhanahu wa ta'ala. Même si tu es pauvre, tu es le meilleur, car ton cœur renferme la parole d'Allah. Tu le comprends, tu le mets en application, tu l'enseignes à la communauté. Il n'y a pas mieux que celui qui oriente la communauté et lui enseigne la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il faut avoir cette ambition. Il faut être digne, reconnaissant de cette grâce d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, te comble avec. Il faut en être digne, car c'est un des grands bienfaits min Allah Azza wa Jal. Et regarde, les meilleurs d'entre vous, hein, ce sont ceux qui ont appris le Coran, le mettent en application et l'enseignent. Il n'a pas dit ce sont les rois, ni les milliardaires, ni les ministres, ni... Abadan. كذلك من حق القرآن الكريم على أهله أن يتأدبوا بآدابه ويتخلقوا بما فيه. سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت للسائل: ألست تقرأ القرآن؟ قلت: بلى. قالت: فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم القرآن. فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. رواه الإمام مسلم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذ الناس نائمون، وبنهاره إذ الناس مفطرون، وبحزنه إذ الناس يفرحون، وببكائه إذ الناس يضحكون، وبصحته إذ الناس يخوضون، وبخشوعه إذ الناس يختالون، ولا ينبغي لحامل القرآن أن يكون جافيا ولا غافلا ولا صخابا ولا حديثا ولا حديدا. رواه ابن أبي شيبة في المصنف وأبو نعيم في الحلية وهو كذلك عند صاحب صفوة الصبوة. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: حامل القرآن حامل راية الإسلام، لا ينبغي أن يلغو مع من يلغو، ولا يهوي مع من يهوي، ولا يلهو مع من يلهو تعظيما لله تعالى، ولا ينبغي أن يكون له عند أحد حاجة، بل ينبغي أن تكون حوائج الناس إليه. رواه أبو نعيم في الحلية. فالله عز وجل في القرآن يأمر بالصدق، فعليك أن تكون صادقا أخ الإسلام، وينهى عن الكذب، فعليك أن تبتعد عن الكذب، ويأمر بالجود والكرم والإيثار، فعليك أن تكون كذلك، وينهى عن البخل والشح، فعليك أن تبتعد عنه، ويأمر بالتواضع وينهى عن الكبر، فعليك بالتواضع وأن تبتعد عن الكبر. Et parmi les droits du Coran sur la communauté, c'est qu'ils doivent avoir les comportements qu'ils enseignent. Les comportements qui sont contenus dans le Coran doivent être une réalité dans la vie du musulman. Notre mère Aïcha radiallahu anha a été interrogée sur le comportement du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et il a répondu qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée à celui qui lui a posé la question, ne lit-il pas le Coran? Il a dit si, je le recite. Et lui a dit, le comportement du prophète d'Allah, c'est le Coran. Cela veut dire qu'il mettait en application ses ordres et s'abstenait de ses interdits. Cela ne veut pas dire que c'est un Coran ambulant, comme disent certains égarés. Le Coran, c'est la parole d'Allah. Et le comportement du prophète, alayhi salam, était le Coran, c'est qu'il mettait en application les ordres d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui sont dans le Coran, et s'abstenait de ce qu'il a interdit. Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu wa arda, dans ce qui est rapporté par Ibn Abi Shayba, dans le Musannaf par Abu Nu'aym d'Al-Hilya, qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, les couvre de sa sainte miséricorde, il a dit, radiyallahu anhu wa arda, il incombe à celui qui mémorise le Coran d'être connu durant la nuit quand les gens dorment. C'est-à-dire, il doit être connu dans la nuit par ses prières nocturnes et par sa lecture du Coran durant la nuit et ses prières nocturnes. Et durant la journée, par son jeûne. Et il doit être connu par sa tristesse quand les gens sont joyeux avec leur futilité. Et d'être connu par ses larmes quand les gens rigolent. Les gens, ils rigolent pour n'importe quoi. Alors que ce qui nous attend est énorme dans le delà. Et aussi d'être connu par ses larmes quand les gens rigolent. Et par son sérieux quand les gens polémiquent avec le faux. Et d'être humble quand les gens sont vaniteux. Il ne faut pas que le mémorisateur du Coran soit dur, ni inattentif, ni sévère, ni vulgaire non plus. Fin des paroles de Ibn Mas'ud radiyallahu anhu warda. Al-Fudayl ibn Iyad rahimahullahu ta'ala, comme cela est cité par Abu Nu'aym dans l'Hilya, a dit, le mémorisateur du Coran, c'est le porteur de l'étendard de l'islam. Ne doit pas babiller avec ceux qui babillent, c'est-à-dire dire n'importe quoi avec les gens. Quand les gens disent n'importe quoi, lui, il ne doit pas tomber à ce niveau-là. Il ne doit pas suivre les passions avec ceux qui suivent les passions. Il ne doit pas jouer avec ceux qui jouent. Par vénération d'Allah, et il ne doit pas dépendre des gens. Mais c'est les gens qui doivent dépendre de lui. Fin des paroles de l'Fudayl, rahimahullahu ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran a ordonné la véracité. Donc les musulmans doivent être véridiques. Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit aussi le mensonge dans le Coran. Donc nous devons nous éloigner du mensonge. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné la générosité et a interdit l'avarisme. Donc nous devons nous acquitter de ces nobles qualités que le Coran nous enseigne. Et le Coran, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit l'orgueil. Donc nous devons être humbles et ne devons pas être orgueilleux. كذلك من حقوق القرآن على أهلي أن يتعاهدوه بالقراءة حتى لا يذهب من صدورهم. قال صلى الله عليه وسلم فيما أخرج الإمام مسلم رحمه الله: تعاهدوا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. متفق عليه. وزاد مسلم في رواية: وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره، وإذا لم يقم به نسيه. Donc Allah subhanahu wa ta'ala fait partie aussi du droit du Coran, c'est qu'on doit le lire régulièrement pour ne pas l'oublier. Surtout quand on est mémorisateur du Coran. C'est sûr que celui qui mémorise le Coran doit veiller à le réciter régulièrement de peur de l'oublier. Notre messager alayhi salatu wassalam, dans le hadith rapporté par l'imam Muslim rahimahullah, a dit: veille à lire régulièrement le Coran, car par celui qui tient l'âme de Mohammed dans sa main, il s'échappe plus facilement que le chameau de leur corde. Très vite, il s'oublie. Et il a dit aussi, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim: le mémorisateur du Coran est comparable au propriétaire de chameaux. Propriétaire de chameaux, quand il les attache, ben il va les garder. Quand il les attache et il les surveille, hein, il va les garder. Mais s'il les laisse les bras eux-mêmes, ils s'échapperont. Ben il en est de même pour le mémorisateur du Coran. S'il ne le révise pas, s'il ne le lit pas, s'il ne prie pas avec, etc., il risque de le perdre. Et quand, et dans une version de Muslim, il dit: et que le mémorisateur du Coran, et quand le mémorisateur du Coran le lit et prie avec le jour et la nuit, ben il le gardera. Et s'il n'agit pas ainsi, ben il l'oubliera. كذلك من حقوق القرآن على المسلمين أن يتحاكموا إليه. قال سبحانه وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فجعل عز وجل من شروط الإيمان التحاكم إلى كتابه سبحانه وتعالى وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بعد موته. روى الإمام البخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم عيينة بن حصن بن حذيفة فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر، وكان القراء أي العلماء ليس بالمفهوم الذي عندنا اليوم، وكان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاورته، كهولا كانوا أو شبانا، لأن الميزان كان عندهم هو العلم. فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي، لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه. قال: سأستأذن لك عليه. فاستأذن الحر لعيينة فأذن له عمر. فلما دخل عليه قال: إيه يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل، فغضب عمر رضي الله عنه وارضاه حتى هم به، فقال له الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه، وكان عمر وقافا عند كتاب الله عز وجل. فتأمل، هذا الرجل أغضب عمر، لكن ما إن سمع كلام رب العزة سبحانه وتعالى ذهب غضبه وعفى عنه كما أمره ربه تبارك وتعالى. Et parmi les droits du Coran sur la communauté, c'est de le prendre comme juge de tous les problèmes que nous avons. Le verset dans sa traduction approximative nous dit cela: si un différend survient entre vous, portez-le devant Allah et le messager si vous croyez en Allah et au jour dernier. Sa'di rahimahullah dit concernant ce verset, dans l'explication qu'il a fait du Coran: Allah a ordonné de porter tout différend entre les gens, que ce soit au niveau des fondements de la religion ou au niveau des branches de celle-ci, de porter cela vers Allah et vers son messager, c'est-à-dire vers le livre d'Allah et vers la sunna de son messager, car ils contiennent le jugement de toute divergence entre eux. Et il a dit, rahimahullah, et la foi ne serait droite que s'il est bâti sur le livre et la sunna. Et celui qui ne ramène pas les problèmes vers le livre et la sunna n'est pas croyant en réalité. Fin des paroles de Sa'di rahimahullah. Va donc, Allah Azza wa Jal, à la fin de ce verset, a mis comme condition de la foi le fait de prendre comme juge la parole d'Allah et la sunna du prophète alayhi salatu wasalam après la mort du prophète alayhi salatu wasalam. Mais dites, comment maintenant ceux qu'Allah nous a ordonné de suivre leur voie, comment ils réagissent par rapport à la parole d'Allah, hein? D'où leur suprématie, d'où les honneurs qu'ils ont auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'où l'élévation qu'ils ont eue, d'où les triomphes qu'ils ont eus dans ce bas monde avant le delà. Le Bukhari rahimahullah rapporte qu'Abdullah ibn Abbas a dit qu'Uyayn ibn Hisb ibn Hudayfa est venu à Médine et s'est installé chez le fils de son frère, l'Hur ibn Qays, qui était quelqu'un proche de Omar et fait partie des gens avec lesquels Omar se concertait. On appelle le Qurra, mais le Qurra dans le langage des nobles compagnons et des tabi'in, ce sont des savants et non pas tout simplement des récitateurs comme l'appellation que nous avons maintenant, hein? Donc Hadal Hur ibn Qays faisait partie du Qurra, et le Qurra former l'assemblée de concertation de Omar ibn Khattab radiallahu anhu, qu'il soit jeune ou qu'il soit vieux, peu importe. Le plus jeune parmi eux, c'était Abdullah ibn Abbas, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous agrée. Il était le plus jeune parmi eux, radiallahu anhu, mais il était parmi eux celui qui avait beaucoup de science, radiallahu anhu majma'in. Donc le Qurra faisait partie de l'assemblée de concertation à l'époque de Omar. Regardez avec quoi il jugeait. Le conseil de concertation, c'était ceux qui avaient la science du livre et de la sunna. Hein? D'où la suprématie, d'où les honneurs, d'où les élévations dans ce bas monde et dans le delà. Et quand on voit notre situation, ben on voit, nous maintenant on a des parlements, on a des partis, on a... l'idéologie de gauche, l'idéologie de droite, l'idéologie du centre, l'idéologie extrême gauche, extrême droite, et j'en passe. Les laïcs, les libéraux, le libertinage, hein, l'ayad al-billah. Comment peut-il avoir la suprématie dans ces cas-là? Comment on peut arriver aux honneurs dans ce bas monde et avoir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce qu'on fait. Hein? Donc, Uyayna a dit à son neveu, « Ô fils de mon frère, je vois que tu as une place chez l'émir. Demande l'autorisation pour me rentrer chez lui. » L'Hur a demandé l'autorisation pour Uyayna, pour son oncle. Et quand Uyayna est rentré chez Omar, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agré, il lui a dit, « Ô Ibn al-Khattab, par Allah, tu n'es pas généreux avec nous et tu ne juges pas entre nous avec justice. » Vous imaginez? Omar s'est mis en colère au point qu'il allait réagir. L'Hur Ibn Qays lui a dit, « Ô prince des croyants !» Il lui a cité la traduction du verset qui dit, « Allah a dit à son messager, « Sois indulgent, ordonne le bien et écarte-toi des ignorants. » Et celui-là, en parlant de son oncle, « Et celui-là fait partie des ignorants. » Par Allah, Omar n'a rien fait après avoir entendu le verset. Il s'est arrêté là. Hein, où l'a arrêté le verset. Stop. Hein? Et Omar était connu pour ça. Quand il entend la parole d'Allah ou la sunna du prophète, il avance plus. Classe. Hein? Quand le jugement lui vient, ou la position qu'il faut prendre lui vient de la parole d'Allah ou de la sunna du prophète, c'est fini. D'où leur élévation à l'islam et leurs honneurs. Hein? Et médite cet homme, Amil Farouk en colère, et qui c'est le Farouk à cette époque, c'était l'émir d'un royaume qui était énorme. Mais quand il a entendu la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, sa colère a été dissipée. Et il a excusé le bonhomme, comme Allah lui a ordonné. Hein? Et regardez, hein? Maintenant, certains, t'as beau lui réciter pour le réconcilier, soit avec sa femme, soit avec son voisin, autre, t'as beau lui réciter des paroles d'Allah, et tu vois sa voix qui s'élève, et hein, la salive qui sort, et hein, les bulles blanches qui sortent de sa bouche, hein, alors que tu es en train de lui rappeler ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, hein, ce que lui dicte, composition A, à adopter avec sa femme ou avec son fils ou avec ses voisins, et regardez la différence. Hein? On se fait écraser par les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'on le mérite. Hein? On ne met pas en avant la parole d'Allah et la sunna du prophète alayhi salatu salam et on veut libérer Jérusalem. On ne sait même pas libérer nous-mêmes de l'emprise du shaitan et de nos passions. Comment libérer Jérusalem? Comment se libérer détruit? On ne s'est pas libéré nous-mêmes de shaitan et de nos passions. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous soyons parmi ceux qui entendent la bonne parole et qui la mettent en application. Ikhwat al-Islam, idha adda al-muslimoun haqq al-Qur'an al-Karim alayhim, fa mada indahum indallah? Mada lahum indallah? Awalan, أخرجهم الله سبحانه وتعالى بهذا القرآن من الظلمات إلى النور. قال سبحانه وتعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال تعالى ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. يخرج من الظلمات إلى النور. ها؟ كذلك إذا هداهم الله بالقرآن إلى كل خير. قال سبحانه وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان عند هذه الآية: هذه الآية الكريمة أجمل الله جل وعلا فيها جميع ما في القرآن من الهدى إلى خير الطرق وأعدلها وأصوبها. قال: فلو تتبعنا تفصيلها على وجه الكمال لأتينا على جميع القرآن العظيم لشمولها لجميع ما فيه من الهدى إلى خير الدنيا والآخرة. انتهى كلامه رحمه الله. وذكر صاحب الآيات الساطعات عند هذه الآية ما يزيد على 2800 توجيه. عندما وقف على هذه الآية 2200 توجيه من القرآن فقط عندما وقف عند هذه الآية. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا تدبر القرآن وفهمه والعمل به. وقال سبحانه وتعالى في وصف القرآن الكريم: هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. كذلك تكفل الله سبحانه وتعالى لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. قال سبحانه وتعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وقال صلى الله عليه وسلم فيما ذكر الإمام مالك رحمه الله والحاكم وغيرهم والحديث حسن: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهنا الله سبحانه وتعالى سي لي مسلمون ساكيت دي ليفر دالله ساكيت دي دغوا دي ليفر دالله سبحانه وتعالى. إذن كوا شي الله سبحانه وتعالى بروميرمون الله سبحانه وتعالى لي سوغ افيك القران دي تينيبر فيغ لا لوميير. Comme cela est dans cette traduction, cité dans cette traduction approximative du sens du verset, vous sont venus d'Allah une lumière et un livre explicite par lequel Allah guide vers les chemins du salut ceux qui cherchent son agrément et les fait sortir des ténèbres vers la lumière. Par sa volonté, il les guide sur la voie droite. Il est dit dans l'autre verset, dans la traduction approximative du sens du verset, nous dit cela: Alif, Lam, Mi, Ra. Ceci est un livre que nous te révélons afin que par la permission de leur Seigneur, tu fasses sortir les gens des ténèbres vers la lumière, sur la voie du Tout-Puissant, qui est digne de toute louange. Aussi, Allah subhanahu wa ta'ala les guide avec le Coran vers tous les biens qui existent. Le Coran les guide vers tous les biens qui existent dans ce bas monde. Il est dit dans la traduction approximative du sens du verset: ce Coran guide vers la voie la plus droite et annonce aux croyants qui accomplissent des œuvres pieuses qu'une immense récompense leur est destinée. Le noble Cheikh, l'éminent Al-Shanqiti rahimahullah, dans Adwa al-Bayan, au commentaire de ce verset, a dit: Allah a cité dans ce noble verset de façon générale toutes les orientations vers les voies du bien, les voies les plus sûres, les voies les plus justes que contient le Coran. Ce verset oriente vers. Et si on détaille ce verset de façon complète, nous allons passer sur tout le noble Coran, car ce verset contient de façon générale toutes les orientations vers le bien de ce bas monde et de l'au-delà. Fin des paroles de Shanqiti rahimahullah. L'auteur de l'ayat Sati'at rahimahullah, arrivé à ce verset, il a cité plus de 2800 orientations du Coran. Au niveau de l'aqida, au niveau du comportement, au niveau du fiqh, rien qu'en s'arrêtant à ce verset, il a cité plus de 2800 orientations vers lesquelles oriente le Coran. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous octroie la compréhension et la méditation correcte du Coran et sa mise en application. Dans l'autre verset, il est dit, le Coran est décrit ainsi dans cette traduction approximative du sens du verset: le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été révélé comme guide pour les gens. et qui comporte des versets clairs permettant de discerner la guidée et de distinguer le vrai du faux. Et aussi Allah a garanti à ceux qui le récitent et le mettent en application de ne pas s'égarer dans ce bas monde et de ne pas être malheureux dans le delà, comme cela est stipulé dans la traduction approximative du sens du verset, lorsqu'un guide viendra à vous de ma part, celui qui le suivra ne s'égarera pas ici-bas et ne sera pas malheureux dans le delà. Et dans le hadith rapporté par l'imam Malik, rahimahullah, est un hadith hassan, et par l'Hakim et d'autres, le messager d'Allah a dit, je vous ai laissé deux choses, si vous vous y cramponnez, vous n'allez pas vous égarer. Le livre d'Allah et la sunna du messager, alayhi salatu wassalam. Ayyuha al-ikhwatu al-qiram, man dayya'a haqq al-Qur'an, fa innahu yadhillu fi dunya wa yashqa fi al-akhirah. قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وقال سبحانه وتعالى كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدن ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا فإخوة الإسلام إذا أراد كل منا أن يعرف نفسه ويعرف قدر نفسه ويزين نفسه حقيقة فلينظر ما هو للقرآن أين هو من القرآن هل هو من الهاجرين للقرآن تلاوة وتدبرا وعملا بما فيه وتخلقا بأخلاقه لا بد أن ننظر انظر فإن كنت تقرأ آية الربا ولم تترك الربا فهذا هجر للقرآن وإن كنت تقرأ آية الغيبة وأنت قائم على الغيبة والنميمة فهذا من هجر القرآن لأن القرآن أمر نهى عن الغيبة والنميمة وإن كنت لا تغض بصرك على الحرام الذي نهاك الله سبحانه وتعالى عنه فهذا من هجر القرآن كذلك لأن الله أمر بغض البصر الرجال والنساء فهذا القرآن يهدي للتي هي أقوى من الأخبار ومن القصص ومن الأوامر ومن النواهي فإنه أقوى شيء وأحسنه وأنفع للعباد في الدنيا وفي الآخرة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حسنة تلاوته وأن يجعله لنا قائدا إلى رضوانه سبحانه وتعالى فهنا الله سبحانه وتعالى tous ceux qui ont été cités ce ne sont que quelques mérites qu'obtiendront ceux qui remplissent leur devoir envers le Coran ou vers la parole d'Allah سبحانه وتعالى. Quant à ceux qui négligent les droits du Coran, ils seront égarés dans ce bas monde, ils seront malheureux dans le delà. Il est dit dans la traduction approximative du verset cité ici, quant à celui qui se détourne de mon rappel, il mènera une vie pénible, une vie pleine de gêne, et au jour de la résurrection, nous l'amèneront au rassemblement aveugle. Et il dira, Seigneur, pourquoi me fais-tu comparaître aveugle ? Alors qu'auparavant, je voyais, tôt comme tu as négligé le signe qui te sont parvenus aujourd'hui, tu seras abandonné en enfer. L'Iyadan Billah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Tout comme nous t'avons relaté, et dans la traduction de l'autre verset, il est dit, tout comme nous t'avons relaté le récit de Moussa, nous te racontons certains récits des communautés passées, et tu as reçu de notre part un rappel, c'est-à-dire le Coran, ceux qui sont détournés porteront au jour de la résurrection le fardeau de leur péché, et ils le porteront éternellement. Et quel mauvais fardeau sera le leur ce jour-là, le jour de la résurrection. Partant de là, on sait que le mal qui se propage dans la communauté, que cela est causé tout simplement par Parce que beaucoup parmi nous donnent le dos à la parole d'Allah et à la sunna du prophète, alayhi salam. Beaucoup ne donnent plus l'importance à la parole d'Allah et à la sunna de son prophète, alayhi salam. Hein? À l'exception de ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a guidés et a comblés de sa sainte miséricorde. Pour Allah subhanahu wa ta'ala, si tout un chacun de nous veut connaître réellement sa place, veut connaître réellement sa valeur, qu'il voit quelle place il donne au Coran dans sa vie. Est-ce qu'il fait partie de ceux qui délaissent le Coran, qui ne le récitent pas, qui ne le méditent pas, qui ne le mettent pas en application? Il faut observer notre situation. Si on lit les versets de l'interdiction de riba, on s'engouffre dedans, ben on fait partie de ceux qui donnent le doigt au Coran. Hein? Si on lit les versets qui interdisent la médisance et le colportage, et on baigne dedans, ben on fait partie de ceux qui donnent le doigt au Coran, parce que le Coran interdit cela. Et si on fait partie de ceux qui ne sont pas chastes au niveau de leur regard, qui ne baissent pas le regard sur les choses que Allah subhanahu wa ta'ala leur a interdit de voir, il est évident qu'on fait partie de ceux qui donnent le dos, qui délaissent cet enseignement du Coran. Donc, hein, et ainsi de suite, on regarde. Il faut se peser et regarder où sommes-nous par rapport à la parole d'Allah et à la sunna du prophète, avant qu'on soit devant Allah, avant qu'on rentre dans la tombe, parce qu'ici, on peut toujours remédier à nos lacunes, se repentir, rattraper les lacunes que nous avons eues et nos manquements. Mais une fois qu'on est dans la tombe, khlas, le registre est fermé. Hein? Fais Allah al-Azim, Rabb al-Arsh al-Azim. Hein? Demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous donne la compréhension et la compréhension réelle de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'avaient les pieux prédécesseurs d'Allah alim. Et sa mise en pratique réelle, celle qu'avaient les nobles compagnons et ceux qui les suivent à la perfection. صلى الله العظيم رب العرش العظيم أن جعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه ولي ذلك والقادر عليه وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وصلى الله عليكم جزاكم الله خيرا.